17:37, activation, dictée. Écoutez et complétez. Vous entendrez le passage trois fois. Oh là là, regarde-moi ça! Allez, rentre à la maison, on va te changer. Tu vas attraper un rhume. Allez, rentre à la maison, on va te changer. Tu vas attraper un rhume. Regarde-moi ça! Allez, rentre à la maison, on va te changer! Tu vas attraper un rhume!